Oui, continuons avec les autres mots et phrases. You've already heard. À droite. And. À gauche. A variation of those phrases is. Sur la droite. On the right and. Sur la gauche. On the left. Another useful word is. Là. There. Listen again and repeat. Là. This small word is especially useful if you want to point something out. Par exemple. Pardon, madame. Où est le musée? Le musée? C'est là. It's there. Finally, you've heard the phrase. C'est loin? Is it far? Well, here are two possible answers to that question. Non, ce n'est pas loin. No, it's not far. And? Oui, c'est assez loin. Yes, it's quite far. C'est assez loin. Écoutez encore et répétez. C'est assez loin.